الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك، يعلم رحمن الله وإياكم أن إيمان العبد لا يصح ولا ينفعه حتى يؤمن بجميع الرسل وهم كثر، وأعظمهم وأفضلهم خمسة: أولو العزم من الرسل ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورتي الأحزاب والشورى. أما في سورة الشورى فقال ربنا عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى أو إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الخمسة نبي كريم ورسول أمين، المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ورضي الله عن أمه. فإن منزلة عيسى عليه السلام في الإسلام عظيمة، وقد ذكر مرارا في القرآن الكريم كتاب رب العالمين، ومكانته في قلوب الموحدين عظيمة، فهو ابن الصديقة البتول الطاهرة العفيفة مريم بنت عمران رضي الله عنها، وأبوها عمران وكان أم الناس في الصلاة عند بني إسرائيل، وجعلت أم مريم ابنتها مريم محررة تخدم بيت المقدس. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ثم كفلها زكريا عليه السلام وأكرمها الله سبحانه وتعالى بأنواع عديدة من الكرامات. قال الله: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي القرآن الكريم سورة كاملة اسمها مريم، وفيها: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. قالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي كانوا فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في هذه الآيات الكريمة من سورة مريم رفع الله سبحانه وتعالى قدرها وأبان علو منزلتها وبين للعالمين منزلة عيسى بن مريم عليه السلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع عليه السلام. وبين الله سبحانه وتعالى بأن عيسى بن مريم ليس ابنا لله رب العالمين بل هو ابن مريم عليها السلام. قال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فعقيدة المسلم في نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه عبد الله ورسوله وأن أمه مريم ابنة عمران رضي الله عنها. قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فليس إلها يعبد بحق فلا إله إلا الله. ونشأ عيسى عليه السلام مع أمه الصالحة التقية العابدة رضي الله عنها. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الإنجيل لثلاث عشرة مضت من رمضان كما أخرجه الطبراني رحمه الله تعالى من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. قال الله ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلكم لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وبشر عيسى بن مريم عليه السلام بنبوة آخر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال الله جل وعلا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. فآمنت بي طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. وكما جاءت عادة أعداء الرسل تكاتبوا ضده وحاولوا قتله، إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظه، كذلك ننجي المؤمنين. قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا لفي فيه لفي شك منه، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما وسينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان من باب اللد، فينزل آخذا جناح ملكين كما ثبت ذلك عند مسلم، ويقتل الدجال ويكون مع المسلمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن ينتقم من الظالمين الأفاكين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، sachez mes chers frères que la foi et l'iman ne nous sera pas profitable et ne sera pas authentique si ce n'est avec la foi et la croyance en l'ensemble des prophètes et messagers envoyés. Ils sont très nombreux, et les meilleurs d'entre eux sont au nombre de cinq. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a cités ensemble dans deux sourates du Coran, dans sourate Al-Ahzab et dans sourate Shura. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ou nous enseigne qu'il nous a légiféré en religion ce qu'il a recommandé à nous et ce qu'il a lui a révélé au messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il a recommandé cela à Ibrahim, à Moussa, à Isa, d'appliquer la religion et de ne pas se diviser à l'intérieur de celle-ci. Ces cinq personnes sont nommées Ulul Azmi minar Rusul, les cinq prophètes ou messagers doués de fermeté. Ce sont les meilleurs des prophètes et des messagers. Parmi eux, il y a Al-Masih et Isa ibn Maryam. Il y a le grand prophète Isa, fils de Maryam. Ce prophète a une grande place en islam et une station élevée dans le Coran, une grande place dans le cœur des croyants. Et Isa est le fils de Maryam, la très véridique, la femme innocente des accusations qui ont été portées à son égard. Maryam, radiallahu anha, était une femme chaste, une femme pieuse, qui se consacrait à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sanctuaire de Baytul Maqdis. Quant à son père, il se nomme Imran, et c'est celui qui présidait la prière pour Bani Israël. Sa mère, lorsqu'elle a été enceinte de Maryam, ou plutôt, lorsqu'elle a été enceinte de Maryam, et son père Imran, lorsqu'il a eu, il a su cela, ont fait un vœu. Ce vœu est que cet enfant allait être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'occupera de Baytul Maqdis. Et il pensait avoir un fils, un garçon. Puis lorsque sa mère accoucha, ce fut une fille. Ce fut une fille. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne cela dans le Coran. Lorsque la mère de Imran fit le vœu de ce qu'il y avait dans son ventre, et elle demanda à Allah subhanahu wa ta'ala l'acceptation de cela, c'est-à-dire que cet enfant sera pour la cause d'Allah, son adoration, et être au service de Baytul Maqdis. Puis Zakaria l'a pris sous sa tutelle et prit soin d'elle. Et il a vu de nombreux miracles qu'Allah Azza wa Jal accordait à cette femme vieux. Allah nous dit dans le Coran que Zakaria l'a pris sous sa tutelle et qu'à chaque fois qu'il entrait près d'elle dans son lieu d'adoration, il trouvait auprès d'elle de la subsistance et il lui disait: d'où te vient cela, ô Maryam? Elle disait: cela me vient d'Allah. Cela me vient d'Allah, certes Allah donne la subsistance à qui il veut sans compter. Et les exégètes du Coran nous disent qu'elle avait des fruits hors saison, elle avait des choses que personne n'avait. Allah Azza wa Jal lui accordait ses miracles. Et dans le Coran, il y a une sourate entière qui se nomme Maryam. Et dans celle-ci, Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de raconter l'histoire de Maryam. Allah Azza wa Jal nous montre qu'il lui a envoyé un ange, l'ange Jibril alayhi salam, sous l'apparence humaine, qui est venu l'informer qu'elle attend un enfant. Elle a cherché refuge auprès d'Allah contre lui. Puis elle a dit: comment pourrais-je avoir un enfant alors que jamais un homme ne m'a touché et je ne fais pas partie des femmes dépravées? Alors il lui a dit: cela est ainsi et c'est Allah qui en a décidé ainsi. Elle a donc été enceinte et elle a su qu'elle allait être éprouvée et accusée par Banu Israël car elle n'était pas mariée. Et c'était une fille pieuse, enfant de parents pieux. Elle s'est donc reculée ou retirée. Et lorsqu'elle s'est apprêtée à accoucher, elle a demandé à Allah Azza wa Jal de la préserver et qu'elle aurait tant aimé décéder avant cette grande épreuve. Puis Allah Azza wa Jal lui a accordé une subsistance et lui a ordonné de secouer un palmier. Et cela fit tomber des dattes. Allah Azza wa Jal lui a accordé sa subsistance même dans ce moment des plus douloureux et difficiles. Par la suite, elle est revenue à son peuple après avoir accouché. Et ils lui ont dit: ô Maryam, d'où te vient cet enfant? Tu viens d'une famille noble et pieuse. Tu es la sœur de la personne pieuse Haroun. Puis, comme elle avait fait le vœu de ne parler à personne, elle montra du doigt l'enfant. Ils lui ont donc dit: comment pouvons-nous parler à cet enfant? Puis Allah Azza wa Jal fit parler Isa au berceau. Et ses premières paroles furent: je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète et m'a rendu béni où que je sois. Et il m'a ordonné, recommandé la prière, la zakat, tant que je serai vivant, la bienfaisance envers ma mère. Jusqu'à la fin des versets, au final, il nous dit: et certes, Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le donc. Voici le chemin de la droiture. Dans ces versets, on voit la grande place de Maryam alayhi salam en islam et le respect qu'on lui porte et l'importance qu'on lui accorde. Et on voit également que Isa est le prophète d'Allah, fils de Maryam, et qu'il n'est pas une divinité qui mérite d'être adorée avec Allah, qu'il n'est pas le troisième de trois, mais il est le serviteur d'Allah et son messager, et sa parole insufflée à Maryam et une âme émanant de lui. C'est un serviteur, on ne l'adore pas, mais c'est le messager d'Allah, on ne le dément pas. On l'aime et on le considère. il a été cité dans le Coran de nombreuses fois. Voici la croyance que nous devons avoir en Isa alayhi salam. Et il n'est pas le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est unique, il n'a pas d'enfant, il n'a pas été enfanté, il n'a pas d'enfant. Voici notre croyance en Isa. Et lorsqu'ils ont dit à Maryam, ô Maryam, est-ce qu'il peut y avoir des fruits sans arbre? Elle a répondu oui. Et qui est-ce qui a créé le premier arbre? Et est-ce qu'il peut y avoir des graines sans fleurs? Elle a dit oui. Et qui est-ce qui a créé la première fleur? Et Allah nous dit l'exemple de Isa est semblable à l'exemple de Adam. Il l'a créé de terre et a dit soit, et il fut. Donc Isa alayhi salam est né d'une mère sans père. Et si on s'étonne de cela, à plus forte raison le cas de Adam, car lui est né d'une mère et il est plutôt sans mère ni père. Et certes Allah est parfaitement capable, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah lui a révélé Al-Injil après 13 jours passés du mois de Ramadan, comme cela a été rapporté par Wathila dans le recueil de l'imam al-Tabarani rahimahullah. Et Allah nous dit dans le Coran qu'il lui a enseigné le livre, la sagesse, la Torah et l'Injil, et que c'est un prophète issu de Banu Israël. Et Israël est le surnom de Yaqub, le prophète Yaqub alayhi salam, fils de Yusuf, fils de Ishaq alayhi salam, lui-même fils d'Ibrahim alayhi salam. Et Isa alayhi salam a donc reçu ce livre. Il est venu à Banu Israël et les a appelés à l'islam, à se soumettre à une divinité unique et à adorer Allah d'un culte sincère. Et Allah lui a accordé des miracles afin de démontrer la véracité de son message. Parmi ces miracles, le fait qu'il donnait vie aux morts par la permission d'Allah. Il guérissait de la dépigmentation qu'on surnomme la lèpre. Et il redonnait la vue, ou il accordait la vue à ceux qui étaient nés aveugles. À ceux qui étaient nés aveugles. Tout cela par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala l'a donc appuyé de ces grands miracles. Et il a dit à son peuple, certes Allah est mon Seigneur et le vôtre, adorez-le donc, voici la voie droite. Et Isa alayhi salam a annoncé la venue du dernier prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah nous le dit dans le Coran. Et lorsque Isa ibn Maryam dit à Bani Israël, je suis le messager d'Allah qui a été envoyé auprès de vous, et je viens certifier ceux qui étaient avant vous dans la Torah, et je vous annonce la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, qui se prénomme Ahmed. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai plusieurs noms, je suis Muhammad, je suis Ahmed, je suis le Mahi, je suis le Hashir, je suis Al-Aqib, et d'autres parmi ces prénoms, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Banu Israël se sont divisés en deux, certains ont eu foi en lui et l'ont suivi, et d'autres l'ont démenti. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi à éloigner les gens de son message, ils ont comploté contre lui et se sont mis d'accord pour l'assassiner comme à leur habitude. Ils assassinaient leur prophète, Iyad al-Billah. Alors ils ont comploté pour l'assassiner. Et Isa ibn Maryam alayhi salam, Allah lui a révélé qu'ils arrivaient pour cela. Alors il a proposé aux Hawariyoun, ses plus proches compagnons, de prendre sa place. Et qui est-ce qui accepte de prendre mon apparence? Et il sera avec moi au paradis. Alors le plus jeune d'entre eux s'est levé et a dit, moi je prends ton apparence. Et il lui a dit, assieds-toi. Il voulait qu'une autre personne se prononce, mais personne n'a parlé, si ce n'est le plus jeune d'entre eux. Alors Allah Azza wa Jalla lui a donné l'apparence de Isa ibn Maryam. Et il a élevé Isa dans le ciel, au deuxième ciel, comme cela est cité dans le hadith de l'Isra ou al-Mi'raj. Allah a élevé Isa au ciel, puis ils sont venus et ils ont assassiné, crucifié celui qui lui ressemblait. Mais ils n'ont pas assassiné Isa ibn Maryam alayhi salam. Certes, Allah l'a élevé. Certes, Allah l'a élevé dans les cieux. Comme il nous le dit dans le Coran, mais Allah l'a élevé auprès de lui, c'est-à-dire dans les cieux. Ils ne l'ont pas assassiné ni crucifié, mais plutôt celui qui lui ressemblait. Et sachez, habidakumullah ta'ala, que Isa ibn Maryam descendra sur terre à la fin des temps. Et il sera avec les croyants, les gens du Tawhid. Et il va combattre Al-Masih al-Dajjal. Il va combattre Al-Masih al-Dajjal. Il va rester un certain temps. Et il effectuera le pèlerinage et la Umra ensemble. Comme l'a expliqué l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Et lorsqu'il descendra, il descendra du côté de Dimashq, de Damas, et il va tenir avec ses deux mains les ailes d'ange. Et lorsqu'il baissera la tête, il y aura des gouttes de sueur qui tomberont, telles des petites perles. Il va donc descendre sur la terre, alayhi salam, et rester un certain temps. Il adorera Allah d'un culte sincère et sera au nombre des croyants. Voici notre croyance en Isa ibn Maryam. Et il ne nous est pas légiféré de fêter son anniversaire, tout comme il ne nous est pas légiféré de fêter l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en ces temps de troubles et de fitnes, nombreuses sont les personnes qui discutent au sujet de la mosquée Al-Aqsa. Et ils sont en droit de le faire et en droit d'éprouver une grande peine, une grande tristesse devant l'injustice témoignée. Mais en réalité, rien n'a changé à Masjid Al-Aqsa. Et la terre est la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut attribuer une terre qui ne lui appartient pas à autrui. La terre est la terre d'Allah azza wa jalla, il la donne à qui il le veut, subhanahu wa ta'ala. Mais là, une question qu'on doit s'adresser à nous-mêmes, c'est que Masjid al-Aqsa ne sera pas dans la main des musulmans tant que les musulmans eux-mêmes ne seront pas unis sur le Coran et la Sunna et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Si tu te demandes quand est-ce que tu prieras Masjid al-Aqsa, quand on trouve ceux qui essayent de faire naître le trouble dans le cœur des croyants et de semer le trouble dans les pays musulmans et appeler à la révolte et à la discorde et à des manifestations et autres, ces gens-là mettent sur internet et autres, dans d'autres endroits, il nous faut aller prier à Masjid al-Aqsa, il nous faut faire telle chose et telle chose dans le pays, et ils critiquent les gouverneurs et ainsi de suite. Ces gens-là, on leur adresse une question. Vous parlez de prier à Masjid al-Aqsa, mais où êtes-vous à la prière dans votre mosquée, dans la mosquée de votre ville et de votre quartier? Vous ne préservez pas les prières obligatoires dans la mosquée de votre quartier. Et ensuite vous parlez d'aller prier Masjid al-Aqsa. À l'image de l'Ikhwan al-Muslimoun, la secte des frères musulmans, qui ont une grande part dans les troubles à notre époque, qui sèment le désordre et la haine dans le cœur des croyants envers leur gouverneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit le sectarisme dans le Coran, tout comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et Masjid al-Aqsa ne sera pas dans la main des croyants tant que les croyants eux-mêmes n'auront pas appliqué ce qu'Allah azza wa jalla leur a ordonné. Quant aux paroles injustes et aux actions injustes, on se console avec un verset du Coran. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Et ne pense pas qu'Allah est distrait de ce que font les injustes. Il ne fait que repousser leur moment jusqu'au jour où les regards seront bouleversés. وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرُدَّ مَسْجِدَ الْأَقْصَى إِلَى الْمُسْلِمِينَ وأن ينتقم من الظالمين المجرمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ورضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. Plusieurs personnes sont malades, ils vous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. Certains ont leurs enfants malades, un autre a sa tante qui a été opérée d'une tumeur, il vous demande dua, un autre est malade, et d'autres maladies. On demande à Allah Azza wa Jal à tous de leur accorder la guérison. Et il y a de nombreuses dépenses ces jours-ci pour des travaux que l'on doit entreprendre dans la mosquée. On vous demande de donner de ce qu'Allah Azza wa Jal vous a facilité. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.